Voici les chats qui s'entrechoquent. Tous les jours qui fusent, j'écluse dans une halte. Tous les jours que j'use, j'abuse des fleurs du mal. Tous les jours qui fusent, j'écluse dans une halte. Tous les jours que j'use, j'abuse des fleurs du mal.